Fesawfata alamun. La Pharaon qui menace. Alors vous verrez, vous saurez. Vous saurez ce qui va vous arriver. Vous avez rusé. Vous saurez. Et c'est là qu'arrive donc la menace de Pharaon. Vous saurez ce que je ferai de vous, etc. Et ensuite, là, il commence à préciser ce qu'il va faire d'eux. Les ukoptiana eidiakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Je vais couper vos pieds et mains opposés. Je vais couper vos pieds et mains opposés et ensuite je vais tous vous crucifier. Je vais tous vous crucifier. Ça, c'est la sanction de qui ça? Cette sanction-là que Pharaon il a voulu appliquer, cette sanction à cette époque, c'était la sanction qui était appliquée sur les criminels. Les criminels, ils appliquaient sur eux cette sanction. Et donc là, les personnes qui obéissent à Allah, les personnes qui croient en Allah, on applique sur eux cette sanction. Ils voulaient appliquer cette sanction sur les croyants. Parce qu'ils ont inversé les choses. De la même façon qu'aujourd'hui, les choses sont inversées. Des croyants, on va leur dire, vous êtes arriérés. Hein? Vous êtes arriérés. Etc, etc, etc. Et d'autres critiques encore. Et donc ici, ils voulaient donner à ces croyants-là une sanction exemplaire. La crucifixion, ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle Jésus? Ben oui. Ça vous rappelle Jésus? Et c'est là que vous voyez la raison pour laquelle les chrétiens ont inventé l'histoire de la résurrection. Pourquoi ils l'ont inventé? Pourquoi est-ce que les chrétiens ont inventé l'histoire de la résurrection? Parce que les juifs prétendaient avoir tué Jésus en prétextant que c'est un criminel et que cette sanction qu'on lui a accordée, c'est la sanction des criminels. Et donc, vous ne pouvez pas nous dire que Jésus, c'est un prophète ou que... C'est un criminel, c'est bon. Il est mort comme les criminels. S'il n'était pas un criminel, Dieu l'aurait protégé et aurait fait qu'il ne serait pas mort comme ça. Alors, les chrétiens, ils ont inventé leur mensonge. Non, il n'est pas mort. Il a été ressuscité. Le mensonge de la résurrection, il a été inventé pour répliquer à cette sanction. Car c'est la sanction des criminels. Et donc, lorsque les sorciers, ils ont entendu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait les sorciers? T'imagines, t'as Pharaon avec toute son armée, elle est là, une armée extrêmement forte. Il vient et te dit, je vais tous vous couper les pieds opposés, les pieds et les mains opposés. Et je vais tous vous crucifier. Ces gens-là, ils venaient de se convertir. Hein? Ils venaient d'accepter la vérité. Ils auraient pu dire, c'est bon, khalas, c'est bon, c'est bon. C'est bon, laisse-nous, c'est bon, on abandonne, on est avec toi, l'histoire elle est réglée. Comme si on reste en vie, personne ne nous touche, etc. Là, on leur a parlé de couper les mains et les pieds opposés. On leur a dit qu'il allait se faire crucifier. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Inna ila rabbina munqalibun. Dans tous les cas, on va retourner vers notre Seigneur. Dans tous les cas, on va mourir en fait. Que tu nous tues maintenant ou après, on va mourir. Dans tous les cas, nous allons retourner vers notre Seigneur. Et ensuite, ils disent wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. La seule chose que tu nous reproches, c'est le fait que nous ayons cru au verset, au signe de notre Seigneur, lorsque ceux-ci nous sont venus à nous. Lorsque les signes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sont venus à nous, on y a cru tout de suite. Et c'est ça que tu nous reproches. Voilà, c'est tout. On n'a rien fait de mal. On dit là, il a Allah. Et ensuite, ils ont fini en invoquant Allah Tabaraka wa Ta'ala en disant Rabbana afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin. Oh notre Seigneur, accorde-nous la patience, parce que c'est pas facile de patienter là-dessus. C'est quand même une grande souffrance. Donc le fait de se faire couper les bras et les mains opposés et d'être crucifié, ça demande de la patience, de l'endurance. Et donc ils ont dit, « Oh Seigneur, accorde-nous l'endurance, afrir alayna sabra, wa tawaffana muslimin, et fais-nous mourir en pleine soumission. » C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Fais-nous mourir en pleine soumission. Quel bel exemple que nous avons ici dans l'endurance, La patience, hein, et le fait de faire confiance en Allah tabaraka wa ta'ala.